Je suis l'homme de ma cité, mais je veux la quitter. On est tous équipés, fais le fond, on s'est quitté. Moi je suis pas un mouton, y'a personne qui m'engraine. Si tu pars pas tout seul, y'a personne qui t'emmène. Si tu pars pas tout seul, y'a personne qui t'emmène. Et puis s'il y a brouillon, y'a personne qui s'en mêle. Je suis le mec qui s'en balèque, mais je me vois pas sans elle. Moi je me vois pas sans elle. Non je me vois pas sans eux. Mes frérots vous savez, j'encaisse alcoolisé. Et pour les premiers studios, je vois la cocotiser. Et pour me canaliser, j'ai roulé la fusée. Voiture banalisée, vend des accusés. C'est pour les frérots enfermés qui veulent s'évader. Pas pour m'évader, pas, je roule un privato. C'est pour les frérots enfermés qui veulent s'évader. J'en ai rien à péter, photo là je suis pété, y'a des frères qui voient pas l'été. On fait des boys sales, tu vas nous respecter. T'as beau être cassard, crois-moi qu'on n'est pas des PD. Et dans la rue faut faire sa place, ouais faut pas s'endetter. Dans ma tête y'a rien à faire, gros y'a rien à péter. Y'a pas que les porcs sur les côtes qui se mettent à enquêter. Tu vois la haine de tes potes, mais ils vont regretter. Retour à l'envoyeur, on prend ce qui nous est dû. On charbonnait dans les sous-sols, gros c'était dur. Là je peux pas tout vous dire, des fois je tournais comme une boussole, j'étais têtu. Je vais mettre ma mère à l'aise, dans ma tête les armes de l'Est. On est restés les mêmes, dans nos têtes c'est pas que le reste. Francis ça va aller, en bécane sur l'allée. Pas à trop avaler, y'a les fonds des cavalés. C'est pour mes frérots enfermés qui veulent s'évader. Moi pour m'évader, pas, je roule un privado. C'est pour mes frérots enfermés qui veulent s'évader. Moi pour m'évader, pas, je roule un privado. Ils font mal à la tête. Moi pour m'évader, pas, je roule un privado. Et j'en fume le vito, ouais l'argent c'est vital. Alcool dans la vitesse, pas, roule un privado. Personne qui t'emmène.